Donc, nous étions arrêtés lors du précédent podcast, au moment où Clodion avait réussi à créer, finalement, à se faire nommer, en fait, gouverneur de la Belgique seconde par les Romains, avec qui il avait passé un traité de fœdus, c'est-à-dire un traité d'alliance avec les Romains, et avait divisé ce royaume qu'il s'était conquis en trois parts, en donnant à Mérovée, son fils aîné, Tournai. Le chroniqueur Priscus, qui, avec Grégoire de Tours, est le seul à attester l'existence d'un roi franc du nom de Mérovée, signale sa présence dans les troupes auxiliaires du général romain Aësius lors de la bataille des Champs Cataloniques en 451. Une bataille qui oppose les Gallo-Romains et les Huns d'Attila. Le même Priscus laisse entendre que le frère de Mérovée aurait choisi de se battre du côté adverse. Mérovée serait mort en 457. Donc c'est à peu près tout ce qu'on sait de Mérovée en réalité, celui qui a donné son nom à la dynastie mérovingienne. Alors très vite après la mort de son père, donc Mérovée, Childéric est hissé sur le pavois et reçoit le titre de roi des Francs et la charge de gouverner la province de Belgique seconde pour le compte de l'Empire. Héritier aussi suffisant qu'inexpérimenté dans l'art de commander les hommes, le jeune Childéric se caractérise par une attitude particulièrement agressive à l'égard des femmes de ses hommes, revendiquant un droit de cuissage personnel qu'il compte bien exercer très vite. Le comportement indigne ses hommes, et un collège d'officiers francs lui demande immédiatement d'arrêter au nom des lois coutumières et de l'égalité qui préside au rapport entre tous les hommes libres des tribus franques. Le jeune chef jure de ne plus recommencer, mais retombe. Avec un tel commandant, les hommes de Childéric ne peuvent plus assurer la protection du limès, et lorsque le général gallo-romain Ægidius, nommé par l'empereur d'Occident Majorien, arrive dans la province pour rappeler au moins symboliquement l'autorité de Rome, les Francs se soumettent sans attendre. Childéric s'enfuit en traversant la forêt de la Charbonnière et rejoint la Thuringe, où il est accueilli par le roi. Il y restera jusqu'en 463, date à laquelle les Francs vont le réclamer à nouveau. En effet, ils ne veulent pas suivre Ægidius dans sa révolte contre le nouvel empereur Libus Severus, créature fabriquée de toutes pièces par le patrice d'origine wisigothique Ricimer. Pourtant, Ægidius a bien raison de faire sécession, car présent à tous les niveaux du pouvoir, fournissant les contingents auxiliaires les plus importants aux légions romaines, les Wisigoths sont la première puissance dans l'Empire d'Occident. S'ils s'affranchissent de Rome, l'Empire d'Occident n'est plus. Ægidius l'a bien compris. Les Francs de Childéric, eux, n'ont pas cette vision et veulent retourner au statu quo ante, à leur traité de fœdus plus ou moins bien respecté. Alors que le séditieux Ægidius est occupé à bâtir son royaume gallo-romain, compris entre la Somme et la Loire, Childéric revient à Tournai. Acclamé par ses hommes en libérateur, le chef veut se donner l'image d'un sage qui a retenu les leçons du passé. Il ne dira rien sur la façon dont il a pris la femme de son hôte Basine, la reine de Thuringe, et il ne s'étendra pas non plus sur la haine farouche que lui voue le mari abandonné et qui est peut-être la racine de tous les conflits ultérieurs entre les deux peuples. Non, Childéric est revenu régner sur son peuple au nom des droits que lui confère la coutume franque et la loi romaine, et par son expérience acquise outre-Rhin. Si au cours de son intronisation, sa main repose symboliquement sur le manche d'une Francisque renversée, et si sur ses reins brille un scramasax, un couteau à deux lames typiquement salien, il tient en revanche une sparta, une épée à lame large utilisée par la cavalerie romaine, et surtout il porte, fermé d'une fibule cruciforme sur l'épaule droite, le paludamentum, signe de son grade militaire et de son attachement à l'Empire. Ægidius a-t-il été présent à la cérémonie? Ce n'est pas impossible. Ægidius est inquiet des menées wisigothiques, mais pas des Francs de Childéric, qui continuent d'appliquer les clauses du traité de Fédus. Leurs deux royaumes gagnent à être unis dans la lutte qui les oppose aux Wisigoths et aux Burgondes. Deux royaumes récents, pauvres pauvre, exposé aux invasions, et païen, face à deux royaumes bien établis, riches, puissants et ariens. Même s'il a renouvelé le traité de Fédus avec Rome en 458, Théodoric II a, dans les faits, rejeté le joug romain. Théodoric II est donc le roi des Visigoths. Pour creuser l'écart, le roi des Visigoths a promulgué un édit, le Théodoricus, une loi fourre-tout où se trouvent diverses dispositions fiscales, administratives, civiles et pénales de sources romaines et visigothiques. S'il grave son pouvoir dans le marbre, il n'oublie pas de le confirmer par quelques conquêtes militaires rapides et décisives. Conquérir Orléans lui paraît stratégique. En 463, sa puissante armée rencontre les troupes coalisées de Childéric et d'Égidius. Tout l'avenir de la France s'est joué là. Que se serait-il passé si les Francs de Childéric et les Gallo-Romains d'Égidius avaient été vaincus? Nul ne sait. Gêné aux entournures par un frère qu'il estime trop souvent trop ouvert aux chrétiens nicéens, Euric, après être rentré d'Espagne, où il a maté les Suèves en Galice, les Suèves qui étaient sous l'uniforme romain et qui prétendaient se battre pour l'Empire, Euric donc décide d'assassiner son frère et immédiatement envoie depuis son palais royal de Toulouse des ambassadeurs auprès de l'empereur d'Orient pour lui signifier son accession au trône. Puis il reprend sa guerre de conquête afin que par ses victoires, Rome reconnaisse la souveraineté pleine et entière de la nation visigothique. Euric s'attaque à l'alliance militaire entre Francs et Gallo-Romains en retournant Siagrius, qui a pris la place de son père, Aegidius, contre Childéric. Donc Siagrius est le nouveau roi de ce petit royaume romain qui se trouve entre la Somme et la Loire. Et Euric retourne ce Siagrius pour en faire son allié contre Childéric. En réaction, Childéric évidemment assiège Paris, qui fait partie de ce royaume romain, en 466, mais grâce à l'idylle Geneviève, qui trouve le moyen d'approvisionner la population de façon, on dit, miraculeuse, ce sera un échec. Profitant que les Francs de Chilpéric sont occupés ailleurs, Euric s'empare de Bourges, en battant les Bretons envoyés en renfort par l'empereur. En 470, Tours ouvre ses portes, puis Loches, puis Amboise. L'armée de renfort romain est écrasée à Arles en 471. 475, Clermont-Ferrand tombe sous les yeux horrifiés de l'évêque Sidoine Apollinaire. Julius Nepo, l'avant-dernier empereur d'Occident, reconnaît résigné l'indépendance de l'Aquitaine visigothique. Furieux face à une pareille démission à la tête d'une armée d'auxiliaires ostrogoths, qui n'en revient pas que leur frère Visigoth s'en soit tiré à si bon compte, l'ancien chef de la garde prétorienne Odoacre prend la direction de Ravenne, capitale de l'Empire d'Occident, décidé à déposer Julius Nepo. Mais c'est son successeur Romulus Augustule qui occupe déjà le trône. On connaît la suite. Odoacre envoie une délégation de sénateurs romains auprès de l'empereur de Byzance avec une lettre précisant que l'Empire d'Occident n'a plus besoin d'empereur, ainsi que les insignes le reconnaissant comme le seul empereur légitime. Nous sommes en 476. Pour montrer peut-être sa fidélité à l'empereur, on retrouvera une dernière fois Childéric combattant les Alamans dans le nord de l'Italie avant que son nom ne disparaisse des annales. Les pièces de monnaie retrouvées dans sa tombe qui a été retrouvée en 1653, un tumulus non loin de Tournai, permettent de dater sa mort d'environ 484. Voilà donc l'origine de la dynastie des Mérovingiens. Nous allons ensuite aborder les premiers moments, les premiers instants de Clovis, et nous en aurons terminé là sur la dynastie mythique, légendaire, mais aussi historique, et d'une grande importance pour la France, des Mérovingiens. Et merci de m'avoir suivi jusque-là. Merci et à bientôt.